Salut les petits monstres, bienvenue dans mes cauchemars, les potes de la crypte. La crypte, c'est moi, une créature inimaginable qui se cache dans vos cauchemars les plus sombres. Puisqu'on parle de sommeil, saviez-vous que vous perdiez entre 25 et 27 ans de votre vie à dormir comme des bienheureux? Eh bien, je suis désolée pour vous, mais c'est fini les nuits tranquilles maintenant. Pardon. Vous pourriez ne plus dormir pour éviter les cauchemars, mais savez-vous ce qui se produira dans ce cas-là? Laissez-moi vous faire écouter le compte-rendu d'une expérience russe menée récemment sur des prisonniers ukrainiens. Et si vous ne parlez pas le russe pour le moment, ne vous en faites pas. Je vous l'ai fait traduire. Expérience numéro 03-46821.8. Cobaye. 5 prisonniers en bonne santé. Conditions. Pièce hermétiquement scellée. Contrôle du gaz stimulant et de l'oxygène. 4 caméras. Équipement de la pièce. 1 toilette. 1 évier. 5 chaises. 1 bibliothèque. 1 stock de nourriture et d'eau. Objectif. Tester l'effet d'un stimulant de guerre et de la privation de sommeil. Durée. 15 jours. Jour 1. Les cobayes se présentent. Ils discutent calmement. Rien de plus à signaler. Jour 2. Rien à signaler. Jour 3. Rien à signaler. Jour 4. Ambiance plus grave. Les cobayes se parlent de moins en moins et ne se parlent que pour raconter des événements traumatisants. Jour 5. Les cobayes se peignent beaucoup. Ils sont très agités. Jour 6. Les cobayes ne se parlent plus du tout. Ils sont très agités. Jour 7. Deux des cinq cobayes sont venus dénoncer les autres en chuchotant à la caméra. Paranoïa sévère, peut-être un effet du gaz. Jour 8. Tous les cobayes se sont succédés devant les caméras pour se dénoncer mutuellement. Ils ont peur les uns des autres. Jour 9. Le cobaye numéro 2 s'est soudainement mis à crier à 6h32. Il a crié durant 3 heures en courant dans toute la pièce. À 9h45, il s'est déchiré les cordes vocales et n'émet plus que de légers couinements. Les autres cobayes n'ont pas réagi. Ils ont continué à parler à la caméra jusqu'à 13 heures. À ce moment précis, ils ont simultanément bouché les quatre objectifs des caméras avec un mélange de pages de livres et de matière fécale, et ils se sont tus. Jour 10. Pas un bruit. Seule la consommation d'oxygène indique qu'ils sont encore en vie. Aucun son ne nous parvient. Jour 11. Idem jour 10. Jour 12. Idem jour 11. Jour 13. Lorsque nous leur avons annoncé que nous ouvrirons les portes dans 48 heures, les cobayes ont répondu d'une seule et même voix. Nous ne voulons plus être libérés. Jour 14. Nous avons longuement débattu entre nous. Il a été convenu que nous ouvrirons la porte à minuit et une minute. Ainsi, nous aurions les 15 jours d'observation et ne risquerions pas d'être accusés d'avoir fait échouer l'expérience. Jour 15. La chambre a été complètement vidée du gaz à minuit précisément. À partir de ce moment, quatre voix ont protesté, supplié de remettre le gaz comme si leur vie en dépendait. À 1 heure, nous avons ouvert les portes. Les premiers gardes à entrer dans la pièce ont hurlé, vomi ou se sont évanouis. Le cobaye numéro 2 est mort. Les quatre autres sont toujours vivants au sens médical du terme. Les survivants ont de grandes portions de muscles et de peau manquantes. Les organes abdominaux situés sous la cage thoracique des quatre sujets ont été retirés. Seul le cœur, les poumons et le diaphragme sont restés en place. Les autres organes, bien que sortis des corps, étaient toujours en activité. L'appareil digestif observé en fonctionnement indique qu'ils digéraient leur propre chair, qu'ils ont arrachée et dévorée les jours précédents. L'observation de la destruction de la chair et les os à l'air libre sur leurs doigts confirme qu'ils se sont infligés eux-mêmes leurs blessures à la main. Les sujets continuent malgré tout de réclamer que l'on referme la porte et remette le gaz. À 6 heures. Il a été décidé de les faire sortir, mais ils ont malgré tout livré un violent combat pour rester dans la pièce. Un des gardes s'est fait déchirer la gorge et en est mort. Un second s'est fait arracher les testicules. Durant la bataille, la rate du sujet 5 est tombée et a éclaté. Nous avons tenté de l'endormir pour le soigner, mais malgré une dose de morphine 10 fois supérieure à ce qu'un être humain peut tolérer, il refusait de s'endormir, continuant de se débattre. Son cœur a continué de battre durant 2 minutes après qu'il se soit vidé de son sang. Même lorsque son cœur s'est arrêté, il a continué de crier de plus en plus faiblement pendant 2 autres minutes avant de s'éteindre définitivement à 8h36. Les 3 sujets continuent de réclamer le gaz. Nous avons décidé de tenter de soigner les trois sujets restants. Le cobaye 1 s'est débattu pour ne pas être anesthésié. Malgré les épaisses sangles de cuir qui le maintenaient sur la table d'opération, il a réussi à blesser deux membres de l'équipe médicale en arrachant ce qui restait de sa main gauche. Nous l'avons endormi en utilisant du gaz anesthésiant en grande quantité. À la seconde où ce qui restait de ses paupières se sont fermées, son cœur s'est arrêté. Il a été déclaré mort à 10h08. Le cobaye 3 a été opéré sans anesthésie, à sa demande. Il n'a pas réagi pendant les 6 heures d'opération. Le docteur a affirmé qu'il était médicalement impossible qu'il y survive. Une des infirmières affirme également avoir vu le cobaye sourire plusieurs fois lors de l'opération. Après l'opération, le sujet a demandé à ce qu'on continue de le couper. Le cobaye 4 a été opéré dans les mêmes conditions, mais il riait tellement lors de l'opération que nous avons dû lui injecter régulièrement un paralysant. Son corps éliminant rapidement le produit, il nous en a fallu de grandes quantités. À 17h, nous les avons sanglés plus fermement et interrogés une nouvelle fois sur la raison de ces mutilations. D'après eux, ils doivent rester éveillés. Après en avoir débattu, nous avons décidé de les soumettre à nouveau au gaz dans la chambre scellée. Ils ont arrêté de se débattre et de hurler dès que nous leur avons annoncé nos intentions. Pour les préparer, nous les avons soumis à un électroencéphalogramme. Mais il était évident qu'ils avaient du mal à rester éveillés. Le sujet 4 luttait pour garder sa tête au-dessus de l'oreiller et cligner des yeux très vite, trop vite. Ses ondes cérébrales étaient normales la plupart du temps, mais affichaient régulièrement une simple ligne, comme s'il subissait plusieurs morts cérébrales. Au moment où sa tête a touché l'oreiller, la ligne est devenue définitive. Il ne restait que le sujet 3 qui hurlait pour que nous le soumettions au gaz rapidement. Je lui ai alors demandé ce qu'il était. Je devais savoir avant de peut-être le replacer dans la pièce. Voici sa réponse. Est-ce que vous avez oublié si facilement? Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez les paradis nocturnes que nous ne pouvons fouler. De charmants voisins, ils ont littéralement le cœur sur la main. Et ils profitent de chaque seconde. Pas comme vous, bande de fainéants qui passez vos nuits à dormir. Enfin, peut-être pas celle-là. Peut-être pas la prochaine non plus. Peut-être allez-vous grossir leur rang à votre tour. Si jamais vous êtes toujours des nôtres le mois prochain, n'hésitez pas à revenir. J'ai plein de belles histoires à vous raconter.